Il y avait une fois un oiseau dans un F4, un F4 dans un HLM tout près d'une grande ville. Bon, si on rentre ici, cet endroit me met mal à l'air. Un monde où on a souvent essayé et parfois réussi à détruire, ce qui a été si péniblement édifié par les hommes, la bête et les oies. On a souvent réussi à détruire un monde qui a été si péniblement édifié par les hommes, la paix et les lois. Childhood. The violent scene which upset him, and whose meaning he was to grasp only years later, happened on the main pier at Orly, Paris Airport, sometime before the outbreak of World War III. You must keep on trying. Que vous croisez sur votre route quelqu'un de soucieux, de triste et d'anxieux, que vous vous dites il n'y a pas de doute, c'est quelqu'un sûrement qui a des tourments. Croyez pas ça, c'est faux, mais dites-vous plutôt c'est quelqu'un qui n'a pas pris son piquirage, son apéritif, son dérivatif. C'est quelqu'un qui n'a pas pris son piquirage, son petit piquirage, un généreux aucun qui n'a. S'il avait pris, ce serait autre chose, car il verrait sûrement la vie en rose. C'est quelqu'un qui n'a pas pris son piquirage, son petit piquirage, un généreux aucun qui n'a. We'll be right back.